100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. J'espère que tout le monde va bien. Envoyer les messages balancés avec le hashtag Skyrock, le hashtag la nocturne. Du son de Caris, évidemment, c'était notre invité cette semaine. Du son aussi de Giorgio, qui était invité la semaine dernière et qui a sorti son album aussi aujourd'hui. Il y aura du Bleu Noir. Et puis, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, un mix de DJ Snatch à pas louper en hommage à Bushy qui nous a quitté il y a quelques jours. Voilà, un gros mix à pas louper pour conclure tout à l'heure la nocturne. Restez bien à l'écoute. Envoyez des messages. En plus, c'est les vacances. On peut veiller tard, très tard. J'attends tous vos messages 41759 aussi. Et on débute par une triplette à Caris. C'est dans les bacs, ça y est, double fuck. 100% rap français. Audemars m'a tué, puis un classique de Caris juste après. Oh putain, Caris. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les banques le sachent. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les banques le sachent. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devrais faire parler l'acier. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devrais faire parler l'acier. Tu ne devras pas les gracier. Toute mon équipe va sortir du zoo, déguisée en macaque. Mercedes 63 AMG 1K, difficile qu'on m'attaque. CIPKO, TKR, tu sais déjà qu'il y a R. Les plus gros fils de pute de la terre savent déjà que c'est la guerre. Je veux être le chef de ma bande, je la frotte elle sent que je pente. Pas de bonbons dans mon stand, bitch do you understand. L'orglerie arrive plutôt que la police, j'suis partout où y'a de la. Tigre du Sumatra, j'veux Alice et j'veux Fatoumata. Chaque fois que je rentre dans la cabine, j'te rappelle une mauvaise nouvelle. La coque est dans tes narines, mais ta chatte est toujours dans la poubelle. J'suis l'un des sous-marins, dans l'affaire Karachi. On connaît tous les chemins, mais on oublie celui du paradis. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les bains se sachent. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les bains se sachent. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devrais faire parler l'acier. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devrais faire parler l'acier. Tu ne devras pas les gracier. Je vais baiser mon ennemi avant qu'il me baise. Et je dois baiser le dernier. Mon dernier mot, mon dernier son sera plus violent que le premier. T'es trop conne, il faut que je tease avant de parler avec toi. J'ai la couronne, qu'est-ce que tu veux que je dise. Une autre époque, un autre roi. Ça pue la rue, ça pue la rue. Les paroles sont crues. Henri Désiré Landru. La barbe est drue. 93. Voici mes jingles. Négro t'es balèze. Tant mieux la cible est plus grosse. Ta grosse fouffe, c'est ton plus beau profil. Ma drogue te bouffe, comme la crocodile. Je pleure des rivières de sang rouge, comme les Apaches. Y'a rien à faire, mon chant te touche, comme une calache. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les bains se sachent. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Vendu H, fais rentrer du cash. Montre qui est le boss, que tous les bains se sachent. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devrais faire parler l'acier. Voilà c'est, voilà c'est, voilà c'est. Tu devras faire parler l'acier. Tu ne devras pas les gracier. 2, 7, 2, 7. Explicite lyrics. La nocturne.

centre aéré. Malik, je repense à Malik. Malik, te rappelles-tu de Malik? Malik, je repense à Malik. Malik, te rappelles-tu de Malik? Parfois Malik s'arrête pas, au contraire, accélère, entend des mères crier. Quel merdier, que faire? Faut réfléchir et vite. 10 000 questions dans sa tête, est-ce que le petit est mort? Va-t-il prendre cher? Doit-il s'arrêter et reconnaître ses torts? Le cerveau contre la pute-tête, il tente d'échapper aux flics. Prend trop triste, même pour un as de la vitesse. Pour éviter une caisse, Malik monte sur un trottoir. Finit dans une cabine téléphonique, sort de la BM et c'est trop tard. Il voulait juste une balade dans un carrosse. Finira au placard avec les menottes. Et aujourd'hui, tous ses potes sont des fantômes. Devant que la mère du mot meurt chaque jour dans ses sanglots. Il voulait juste une balade dans un carrosse. Finira au placard avec les menottes. Et aujourd'hui, tous ses potes sont des fantômes. Devant que la mère du mot meurt chaque jour dans ses sanglots. L'album est dans les bacs, celui de Monsieur Giorgio Bleu Noir. Et ce morceau Mali que vous retrouverez sur l'album. On en profite pour dédicacer Kader, hein. Le taxi à l'écoute. Tiens, Armando aussi, petite dédicace à Armando. Nocturne, du son de Sienna, ainsi va la vie, c'est ce qu'on va écouter maintenant sur Skyrock. Du son des X-Men qui arrive. Beaucoup de son ce soir, hein. PNL, Niska, Gradure, Le Fa aussi. Qui a balancé Masterchef, ça arrive. C'est 100% rap français, vos messages 41759, le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. 100% rap français, planète. La nocturne. Je suis pas attaché au rap mais je veux quand même faire un casse. Parce que si demain tout s'arrête j'irai chercher un taf. On a dit fuck les cours mais maintenant on court à notre perte. Mais à Jola y'a Usain Bolt qui arrivera en tête. C'est dur à dire mais ma couleur est un handicap. Ils prennent de l'âge mais leur tolérance ne grandit ap. Depuis tout petit j'ai le cul entre deux chaises. Chez les Céfrans j'suis une Renoir, chez les Renois j'suis une Française. Donc j'vis une vie de métisse malgré ma couleur ébène. Mais j'sais qu'on verra rouge si on se met à se tailler les veines. J'suis parfois mal à droite mais j'suis pas mieux à gauche. Et si j'écoute plus de rap c'est que j'ai déjà eu ma dose. Souvent dans le doute j'ai jamais connu de bénéfice. J'ai rien à perdre malgré de nombreux sacrifices. J'me trouve pas d'excuses, j'suis pas la plus à plaindre. Mes phobies sont minimes car à part Dieu j'ai rien à craindre. Avant de l'avoir rencontré, des histoires secrètes trop difficiles à raconter. Mes sœurs faites attention et mes frères également. Car dans ce bas monde c'est trop petit qu'on tombe dans l'égarement. Mes potes me disent y'a l'absartec maintenant on t'entend partout. T'inquiète je sais qui était là au tout début du parcours. Je me suis toujours promise de garder certains principes. J'évite de faire le mal même lorsqu'on m'y incite. Je suis seule, je vais repartir seule, je l'ai toujours su. On en a jamais assez, on en veut toujours plus. Je fais ma musique sinon je traîne avec mes potes. Tout va bien mais des fois je me remets à penser à l'époque. Mais à quoi bon? Je peux pas faire marche arrière, je suis lancé, je dois avancer, je peux pas caler dans ma carrière. Je le fais avec le cœur en rajoutant un sourire. Même si ça doit s'arrêter, j'en garderai un bon souvenir. Ainsi va la vie, j'écris, car j'ai un but à atteindre. Ainsi va la vie, tout brille, et tout finira par s'éteindre. Quand la guerre est acquise, et tout est écrit, mon destin me sourit. Et si il me pleure, je n'irai pas me plaindre. Regarde où j'en suis depuis que j'ai croisé Linda. Ils m'ont donné ma chance et ça crois-moi je le nie pas. J'oublie pas Issa, mon un des biens sur numéro 7. Depuis que je travaille avec vous, y'a que la réussite qui m'obsède. Je veux faire sourire les gens, leur montrer qu'ils sont pas seuls, qu'on a les mêmes emmerdes et peut-être même les mêmes passions. J'ai rien de plus que personne, si ce n'est peut-être du talent. Mais pour autant, je me permettrai pas de prendre du galon. Je passe mes soirées dehors à tourner dans la ville. Mes potes et moi, on risque de finir à l'asile. Mais c'est la vie et on se tue à la vive. Préfère rester avec la mif à écouter de la zip. Parce qu'en vrai ailleurs, mais j'ai du mal à suivre. J'ai fait du mal, j'ai fait du bien, mais j'ai peur du résultat. Dieu est grand et au jugement, y'a des preuves irréfutables. Je me pose un tas de questions, comme tous les jeunes de mon âge. Comment vais-je trouver la paix? Comment vais-je sauver mon âme? J'écris, car j'ai un but à atteindre. Ainsi va la vie. C'est la nocturne 100% rap français. Siana sera demain soir d'ailleurs sur la scène de la Cigale avec LECK et Esprit Noir, Jamel qui passera. C'est pour la Fondation Abbé Pierre. Allez faire un tour là-bas, les places sont pas chères et c'est pour une bonne action pour la Fondation Abbé Pierre. Siana. Déchire Siana. Merci Mehdi qui vient de faire un petit coucou dans la nocturne 100% rap français. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Nouveau Lefa, Masterchef dans la nocturne. Niro aussi juste après. Le ciel est ma limite. On m'appelle le master chef, ferme ta gueule, dégueu. Je l'ai déjà dit à Ri, je ne sors plus sans l'auto. La jalousie et l'œil de Dieu en moto. Le talent peut aussi attirer des ennuis. Mais je ne marche jamais sans lui. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais sans mon talent inné, inné, inné, inné, inné, inné. Et mon talent jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais sans mon talent. Miser, miser, miser sur les talons. Bip-moi si tu veux m'acheter du talent. Je t'en vends mais s'il te plaît retiens ta langue. Je veux pas que le game vienne me voir à plat ventre en me disant Fall, j'ai moins d'un speak avant. Poussez-vous, j'arrive à vitesse grand V, visionnaire comme dans Limitless. La concurrence est à quatre pattes, toi foi qui me laisse gérer le business. Laisse ça, tu n'es pas assez mature. Faire du sale, ce n'est pas dans ta nature. C'est après qu'on ressent les courbatures. T'es pas prêt, donc abandonne, tu es battu. Bang, bang, niggas. On m'appelle le master chef, ferme ta gueule. Laisse la place pour le dessert. Détends-toi, dessert, des œufs déposés sur un geyser. Bouillant comme un geyser, je dois me calmer, c'est dur, mais j'essaie. Niggas, on m'appelle le master chef, ferme ta gueule. Déguste, je l'ai déjà dit à Ri, je ne sors plus sans l'auto. La jalousie et l'œil de Dieu en moto. Le talent peut aussi attirer des ennuis. Mais je ne marche jamais sans lui. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais sans mon talent inné, inné, inné, inné, inné, inné. Et mon talent jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais sans mon talent. Miser, miser, miser sur les talons. J'écris mes textes en 2, 4, 6, sans personne n'en sent que l'on m'insiste. 100%, oui 100% artiste, artiste qu'un frimable la m'assiste. Branche tes enceintes quand je déclenche 5 mandes aux anciens si je suis nouveau dans mon enceinte. Paris Saint-Germain, ma licence. Vas-y move, molard, molard dans ton visage niggas. Pour me rattraper faut un visa niggas. Lever le pied, je l'envisage niggas. La solitude au sommet, je vis ça niggas. Branche tes enceintes. Et boulot, tu vas me dire le va tapement 5. Va tapement 5. T'as fait le boulot. Wesh les mecs, arrêtez de faire tous les mêmes flots. Sérieusement, ça commence à me les casser. Vous croyez vraiment qu'on l'a pas tous écouté? Ce putain de son Versace, Versace. Niggas, on m'appelle le master chef. Ferme ta gueule, déguste. Laisse la place pour le dessert. Laisse la place pour le dessert. Laisse la place pour le dessert. Laisse la place pour le dessert. Je répète, laisse la place pour le dessert. Laisse la place pour le dessert. Laisse la place pour le dessert. Laisse la place pour le dessert. Je répète, laisse la place pour le dessert. Je l'ai déjà dit à Ri, je ne sors plus sans l'auto. La jalousie et l'œil de Dieu en moto. Le talent peut aussi attirer des ennuis. Mais je ne marche jamais sans lui. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais sans mon talent inné, inné, inné, inné, inné, inné. Et mon talent jamais, jamais, jamais.

nous appelle. Y'a Marlo, y'a Tchèque, faut je suis là. J't'accoste ton boubou, j't'accoste ton Gucci. Kipili, t'y a pas là, j'connais mon pas danse comme à la de la dit. Young, type nigga arrive, j'te mets la virgule comme monsieur. T'as de la poudre dans les narines, trapine, c'est oui dans la cabine. J'kiffe des yeux clés, attends sur le déco. Bend dans cabine, je coffre mon yellow. Rambe, rambe, comme les vieux vélos. Affaire bibata, trafic ce goût. Goku Wanyan, mystique El Godo. Tony Montana, ça vole. Puis je sais que tu picoles. Des années, je coffre la canne. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, des Tony Montana. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, hey, Tony Montana. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, des Tony Montana. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, hey, Tony Montana. Négro de oui, oui, comme Montana. Rouge de feu, hey, comme Montana. J'suis dans l'atmosphère, comme Montana. On t'allume au fer, comme Montana. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, des Tony Montana. Tony Montana, Tony Montana, Tony Montana, hey, Tony Montana. Tony Montana, des Tony. Au sens défiguré, j'ai besoin d'un flingue pour te flinguer, mais pas d'un tank pour t'enculer. J'envoie du sale comme le cul de mémé va faire la récurer. Je balance rien, le pont du barman, c'est te faire tirer les verres du nez. Je découpe l'instru comme un cruel charcutier. Je découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. J'ai passé ma jeunesse à arpenter les rues et le capucher. Viens ici petit pucelle, je vais te décapiter. Charpenter comme un charpentier, je suis une tête à couper. Ils se demandent tous comment j'ai fait pour perdurer. Je suis dans le mercato, on vous dit percuter. J'ai pas une mercato, comment le percurer. Crois pas que je baratine, les clés du paradis, ils les ont avalés.

Son frère shooter et son fils. On va pas se replier. On s'entretuera pour l'honneur des nôtres. La mémoire nous oublier. Figure et luxure, courir après le temps. Rêver de figer le sablier. Pourtant je suis debout depuis l'aube. Sur le deux rouges pilote. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Y'aura du sang sur les métaux. Ça sera la fin de l'épisode. Bang bang. C'est le S. Côte. Bang bang. Bang bang. Putain. Bang bang. Camara. Bang bang. J'suis attendu chez toi comme Don Pietro. Rap français. Lorca dans la nocturne. Sortir mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis déjà à terre, je tomberai pas plus bas. Tomber plus bas. Tomber plus bas. Tomber plus bas. Je ne me dévalorise pas. Mais moi je mens pas. Mais moi je mens pas. Mais moi je mens pas. Ma vie à mes ennemis je la souhaite pas. J'te la souhaite pas, j'te la souhaite pas, j'te la souhaite pas. J'suis déjà à terre, j'tomberai pas plus bas. Tomber plus bas, tomber plus bas, tomber plus bas. Je ne me dévalorise pas. Mais moi je mens pas, mais moi je mens pas, mais moi je mens pas. Je n'en peux plus de ce monde de fous, de tous ces abus. Putain oui c'est dur, regarde dans ma rue. Rien que je regrette l'époque de Déabus. Sont à fond dans mon bolide j'fuse. Pour bien grailler il faut de la ruse. Faut être armé comme un russe. Le respect s'entretient donc j'l'arrose. La vie c'est comme les rimes et se répète. Se consume comme une cigarette. Tous les matins c'est les mêmes refrains. Les mêmes yankees et les mêmes barrettes. J'regarde ma montre, j'vois le temps qui passe. Pas maillé mais vaut mieux. J'cours trop, oui, après les liasses. Pas de temps à perdre avec une pétasse. J'ai un côté ange, un côté démon. Entre cauchemar et réalité. Moi j'avance seul sur eux, mon chemin. La tête dans les étoiles, les poumons enfumés. J'ai un côté ange, un côté démon. Entre cauchemar et réalité. Moi j'avance seul sur eux, mon chemin. La tête dans les étoiles, les poumons enfumés. J'veux m'en sortir mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. J'suis déjà à terre, j'tomberai pas plus bas. Tomber plus bas, tomber plus bas, tomber plus bas. Je ne me dévalorise pas. Mais moi je mens pas, mais moi je mens pas, mais moi je mens pas. Ma vie à mes ennemis, je la souhaite pas. J'te la souhaite pas, j'te la souhaite pas, j'te la souhaite pas. J'ai plein d'ennemis et je n'ai pas d'euros. Comme je mens pas, je vais pas te dire que je pèse. Qui a tort dans ce monde, qui a raison, celui qui est honnête ou celui qui te baise. J'ai plein d'ennemis et je n'ai pas d'euros. Comme je mens pas, je vais pas te dire que je pèse. Qui a tort dans ce monde, qui a raison, celui qui est honnête ou celui qui te baise. J'ai plus quoi faire, plus quoi penser. Mais assez net, tu sais tout dépenser. Trop de sale à faire et oui, trop défoncé. Impossible une conduite de se racheter. J'ai trop crié, pas trop prié. Mec, je veux peser comme un templier. N'est pour prier, pas pour griller. Je m'arrêterai quand dehors il pleuvra des billets. Sous le gilet, j'ai de quoi t'épiler. Mec, je suis réglo. Mais viens pas me baiser, viens pas me baiser. Sourcils froncés, je suis déterminé. Tellement j'ai marché dans la merde que j'ai plus peur que le terrain soit miné. Je veux m'en sortir, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas, mais je ne peux pas. J'suis déjà à terre, j'tomberai pas plus bas. Tomber plus bas, tomber plus bas, tomber plus bas. Je ne me dévalorise pas. Mais moi j'mens pas, mais moi j'mens pas, mais moi j'mens pas. Ma vie à mes ennemis, j'la souhaite pas. J'te la souhaite pas, j'te la souhaite pas, j'te la souhaite pas. Je veux m'en sortir mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas, mais je ne peux pas, mais je ne peux pas. Je suis déjà à terre, je tomberai pas plus bas. Tomber plus bas, tomber plus bas, tomber plus bas. Je ne me dévalorise pas. Mais moi je mens pas, mais moi je mens pas, mais moi je mens pas. Ma vie à mes ennemis, je la souhaite pas. Je te la souhaite pas, je te la souhaite pas, je te la souhaite pas. Lorca dans la nocturne 100% rap français. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Avec le retour des X-Men dans les bacs. Et puis après on se fait un classique des X-Men juste après ce morceau Crop Circle. Avec Nekfeu. Aux croqueuses d'hommes matérialistes, je reste inaccessible. Je nique si je décide. Vrai hétéro, tous sont vrais ces négros. Quel héros se referait que des zéros, des traits. Pour la plupart, où sont les quelques vrais qui restent? Je vois des politiques véreux, des MC médiocres, des coupards, mais pas une vraie tigresse. Faites un petit geste pour la communauté, anciennement menottée, vachement redevenue OP. Ils veulent du cash, boostez-la, prenez-le. C'est quel genre de slogan? L'ennemi est plus barbare que Conan. On vit une vie plus intense que les pages en roman. Les chefs cuisinent la coke, crack, pour le gourmand, le croquant. C'est sale ça, hein. Comme une danse espagnole ou la branlette du même nom. Cette vie si je l'aime, non, mais mes fils portent le même nom. Dédicace à ma femme, Livonne et le Kush. Chocolate Crush, hallelujah. X-Men, celui-ci s'appelle Business is Business, mais il y a le morceau Crop Circle qui arrive juste après. Dès le départ, on tapait des barres en voyant l'écart, sans prétention aucune. Nous, on fait de la thune et de l'art. Et quand on démarre, nos pneus fument, tu comme une plume, peine feu. Depuis que j'assume, je vais mieux, je vis ma légende, alors je la chante. Messieurs et mesdames, ce calme est précieux. J'ai la palme du consciencieux, non je ne baisserai pas les yeux. Je te mettrai des claques comme ton vieux si tu jacques. Pèse la valeur de tes actes, ma life une chance inexacte. Mais je m'en sors intact, Dieu merci. J'ai pris des claques, soit mais chaque claque m'a ramené sur une ligne droite. J'ai appris de mes erreurs, fait des mises à jour en observant les stats. Les types se tapent et flippent comme des écoliers face au bac. Sont prêts à vivre dans les bacs, claque du fric, les vis à côté de la plaque. Tu te demandes si je blague, regarde beaucoup de MC divagues. Je retrouve dans le creux de la vague, navigue à l'aveugle à la une des mags. Ils visent de la mer et draguent un bis qui les prend pour des schlags. T'es sérieux? 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Quand je rappe, ça a l'air facile, imbécile. Qui a-t-il assis là? Voici des vrais capture des syllabes des killers. C'est qui là? Black Dracula, le 1 tel Attila. Que des minus comme Caligula. Quelle aisance, X-Men une légende. Paye allégeance, on te laisse en bras sans jambes. Comme la Vénus de Milo, on va de Venice à Bali. De Venice Beach à Paris, de NY, Yaoundé, des négroïdes. Zoa Kilan, les femelles. Je me pose même pas la question, j'impose même pas la pression. Faisons le tour du monde, trou en un dans le club comme Jack Nicklaus ou Tiger. Ma vérité est ailleurs. Quand

Pas le temps de chat quand tu vois le T-Max. Va écouter les frères vers 9 passes ton stats. C'est pas, j'peux bouger. J'immobilise le ballon, vous nous faites pas de passe. Vas-y, bouge ton corps, t'as entendu la basse. Raconte ta vie dans la jet, envoie une jet. Pour moi, il faut snapper. Ça y est, t'as rasé ta crête. Maintenant, tu fais le test, tu fais les partouts par terre. J'ai sur Snapchat, et filme sa chatte. C'est quoi le concept? Tu veux mater mon trou de balle? T'as un périmètre large, t'es mal marquage. Passe la ligne, j'te fais un nouveau style. Malgue ma salle, il fait une crise pour tes gras, les putains de balles. Il sent la détention, il se dit, j'vais le donner. Il a plus de capital, il se dit, j'mets une carotte. J'veux pas de ta graille, ou le j'suis un chasseur. 19ème, on fait du wally, non, y'a pas de casse. Entouré de serpents, la rue te laissera seul. Genre de mecs qui te font la bise après ils baissent ta sœur. J'suis un putain de choc, j'm'inspire franche, j'fais du mal. Y'a brave à l'avant et le panorama comme ça roumane. Tu connais les bails, on arrive en équipe, ça finit mal. Pose ton boule dans la job, j'suis à fond, quad 9 Marvin. J'suis à fond, quad 9 Marvin. A une tête de saumon et tu fais la maline. Tu connais les bails, on va redilumine la ville. Mais y'en a rien, non. Y'a qu'un homme de fer, on l'appelle Staline. Mais y'en a rien, mon ami, rien, rien, rien. Mon gars, y'a pas de bœuf. Mon lossa, y'a pas de fake, le style, rien. Mon gars, tu fais le bœuf. Le poteau est sous le ciel, ton style, rien. Rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien. T'as une tête de saumon et tu fais la maligne. Tu connais les bails, on va redilumine la vie. Y'a qu'un homme de fer, on l'appelle Staline. Marvin Jarod, rayonnant. La nocturne 100% rap français. Je vous ai promis ce mix en hommage à Bushy qui nous a quitté il y a quelques jours de cela. Voilà, ça dure 30 minutes. C'est DJ Snatch que je salue du côté de Toulouse qui a réalisé ce mix, qui a été autant touché, je pense, que par nous tous qui à un moment ou à un autre avons croisé le sourire et la fougue de Bushy qui nous a quitté trop vite. Donc voilà, pendant une trentaine de minutes, le son de Bushy mixé par DJ Snatch. Et une fois de plus, une pensée à sa famille, sa maman notamment, à tous ses proches. Voici un hommage à Bushy dans la nocturne et pour conclure cette nocturne ce soir. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Tout n'est pas facile, non, tout n'est pas facile. Bah, écoute-moi, c'est Bushy, 29 ans, artiste d'origine malienne, originaire de Toulouse aussi. Donc la ville rose, j'ai commencé à rapper en 97. Voilà. Et j'ai fait ma première scène à l'âge de 11 ans. Mes premières mixtapes se sont enchaînées ensuite en 99. Bougie, bougie, bougie. Bouchy dans les baffes, bouchy dans les baffes, bouchy dans les baffes. Bouchy, bouchy, bouchy, bouchy. Je suis pas d'humeur à faire mes nuits aux mains. C'est mes dames. DJ Snatch. Le rap, tes sœurs sont parmi. Oh, elle traîne ouais. Avec le rap, les négros pâlis. Oh, parce qu'elle a le flow qui fout la foule en panique. Oh, elle a le son lourd, donc je respecte. Car le son kick, yeah, car le son pèse. Voiture payée, tu viens, on pèse. Oui, c'est la petite qui se pèse. Trois dans la deux chat, toi même pas, je te parle. Boum boum, boom tchak. Et c'est même quoi, je te regarde au chez négro velle clash. Et les petites velles chlas qui paraient les négro velles, des phrases qui froissent grave. Oh. Avoir des plats, des strass, du rap face. Faut que j'arrive plus dans le rap, t'inquiète, y'a pas de drap. J'y ai jouir les grosses passes, forcément les roses fâches. Eux qui veulent des grosses tasses, ils n'auront que des grosses papes. Oui, les MC veulent des grosses tasses. Mais vu que j'arrive, ils n'ont que des grosses papes. Si le rap est une science, mec, je l'incule. J'suis pas arrivé dans ce biz en étant un cul. Non, j'veux pas d'une carrière fondée sur deux, trois tubes. Tragédie, Camaro, j'connais, mais j'suis pas dupe. Ils veulent tous être vainqueurs, passer même aux 20 heures. S'revendique un d'heure, des mythos, des créateurs. Elle veut tout trafic au shine, pour ton laïs. Peut qu'elle a pompé le rap, tes sœurs sont parmi. Faut qu'elle traîne avec le rap, les négros pâlis. Parce qu'elle a le flow qui fout la foule en panique. Elle a le son lourd, donc je respecte. Car le son qui gagne, car le son pèse. Voiture bélier, tu viens, mon père. Oui, c'est la petite, ce qui se pèse. On a le son lourd, donc tu respectes. Car le son qui kick, car le son pèse. Oui, c'est la petite, shiny, zeke et bouchy. Débarqué sans escale, sans sandales depuis le Mali. À nos pères, à nos mères, Maliano, Galsen, Kamer, Comoriano. Toujours à faire le moine, à vouloir être hébergé. J'ai fou de chip dans leur avis, son hier, j'en berger. Tellement désespéré, qu'ils sont là à espérer. Pas des filles en single, que je puisse te clasher. Parce que rien qu'avec mon talent, je pourrais jamais monter. Kizito vs Diam, toi aussi t'as remarqué. Ceux qui se prétendent plein de valeur. Bah dès qu'il y a une bite, ils se mettent en mode avaleur. Ils fêtent des plans pour ils se mettent en mode guerre. Tellement la peur que j'avance, ils sont en mode nerf. Yeah, Chinese, sport de lutte, j'abuse. Finesse, musique, talent fâché, East Bad, Guy, Snatch, oh, Fico, Jiris, Alain Delon, Chinese, Le, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, Zé, je suis seul et striptease. C'est l'histoire d'une homme, c'est l'histoire d'une vie. L'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une fille. La rue et la drogue, ça c'est pas une vie. Moi qui rêvais d'un monde où il n'y avait pas que l'argent. Que les dingues, que les stupes, que les flingues et l'argent. Oui, j'ai rêvé d'un monde où il n'y avait pas que la flamme. Que la haine, que les bulles, que la haine, la malchance. Plus de poids, plus de griffes, plus de cash, plus de zeste. Plus de ghetto dans les baffes, plus de puissance fâche. C'est talent fâché, puissance rage. Et je fais partie de la relève, je suis le talent gâche. Reçois ma rage dans ma vision et dans mes vêtements. J'ai pas d'armes pour te clouer, suffit juste d'un segment. Quelques rimes pour te trouer, j'ai trouvé l'ingrédient. Je suis à devant sur la roue, je me fous du revêtement. Je vais juste casser ma croûte, vivre ma vie honnêtement. Si tu me coupes la priorité, je me mets en odori. Si tu maîtrises pas ton prolix, tu sais bien ce qui t'attend. On m'a dit le rap c'est dead, y'a plus trop d'argent. Trouve-toi un label qui fait un rigole d'un agent. Je suis dans le nord pour le beat, mais du sud est mon accent. Et c'est pour des gros chiffres, je suis partant. Ouais ouais, partant. La vie ne fait pas de cadeaux, tu joues sur mes plates-bandes, donc tu sais ce qui t'attend. On joue pas dans le même créneau, je suis dans la cour des grands. Donc n'essaie pas de le faire, tu vas te faire claquer bêtement. Dans nos cœurs, les esprits, règne un Satan. Les haineux sont pas loin, je te dis vite, va-t'en. En bas ton bla bla bla, j'ai pas le temps. Je dois taffer le jour de la play maintenant. Le respect avant le zèle est très important. Même si pour des gros risques, on est partant. Je dois faire les choses à temps, mon public m'attend. Mais par ailleurs, on ne sait jamais ce qui nous attend. Toulouse va inattend, on en roule, on graisse ça. Toulouse va inattend, on en roule, on graisse ça. Toulouse va inattend, on en roule, on graisse ça. Toulouse va inattend, on en roule, on graisse ça. A 2h de la Jonjon de Yoré ou de Barça. Histoire de décompresser certains rails, ils partent là. Demande à Monica, mes jolies go disent ça. Oui, je les représente, mes baboudiennes, mes raissa. Même celles qui préparent pas te font du tchè parissa. Oh la honte, tchè parissa. Sur ce, on est de sortie, talonné, bouche glossée. Sur un son de bougie, équipé vous trosser. Machala ton régime, sors se déambiancer. Ma soeur fort ton brushing, t'as sorti le sensé. Oh la. Tchinga tchinga ling ling ling. Tchinga tchinga ling ling ling. Tchinga tchinga ling ling ling. Tchinga tchinga ling ling ling. J'ai pas d'humeur à faire mes nuits au mal. Ma soeur arrête, je vais te faire du mal. Marre du tram, du métro, du bus. Des gens qui m'énarquent, qui me blaguent et me rusent. J'ai pas d'humeur de voir baisse la tête. Je suis plus d'humeur à ceux qui cherchent le pèse. Tu fais le bandit, le reptile, Batman. Tu crois que tu kills, tu claques, t'es Batman. Je suis pas d'humeur à ce que tu fasses ton beau. Je suis pas d'humeur à ce que tu fasses ton show. Je suis pas d'humeur à entendre tes conneries. Je suis pas d'humeur, ne crois pas que tu me fasses gonnerie. Je suis pas d'humeur à entendre tes sautes, tes esprits et ça et tes histoires sales. Je suis pas d'humeur comme toi quand ta meuf souille. Voir de SNES, plus de cash et pas de bouffe. Feu des liasses, prends tes barres et tes souris. Marre comme moi, j'en ai marre de ces pètes couilles. Ceux qui parlent de gros sons ne font pas de gros sous. Mais le rap sous ces faux airs, j'en connais les deux. De tes promesses fausses, tes dorsaux de gauche. De force, on est venu prier. De toute force, on est venu crier. De toute force, demande celle de prier. Méfiez-vous de l'or qui dort. On se réveille que pour rire. De toute force, on est venu prier. De toute force, on est venu crier. De toute force, demande celle de prier. Méfiez-vous de l'or qui dort. On se réveille que pour rire. J'ai pas eu besoin de l'écarter. Si les haineux te jettent l'œil, prends leurs yeux et crève-les. Cherche à ouvrir les portes. Je vis de toutes les forces. Face aux obstacles, je redouble d'efforts. Mal à l'aise dans ce décor où tout se désordre. J'écoute ma volonté, mais je ne supporte toujours ses ordres. Non, donc me saoulez pas, car je tape pour un coup d'éclat. Je veux que ma mère soit ferme, mais je dois cravacher pour faire ça. Ne m'en voulez pas si je cherche à manger tout départ. J'ai la chaleur du sud à croire que je suis né dans une coulée de lave. Dieu m'a donné talent, tu peux ranger ta langue. Auditeur, auditrice, lève ta troisième phalange. Je jure, je vise haut. Moi, je suis comme je suis. Ceux qui veulent me voir en bas racontent mille conneries. De toutes mes forces, pour ma famille, mes amis, mes rêves. Je porte ma couleur, mes colères, mes douleurs. Des galères, des de toutes forces, on est venu tout plier. De toutes nos forces, on est venu vous crier. De toutes nos forces, demande celle de prier. Méfiez-vous de l'or qui dort. On se réveille que pour rire. De toutes nos forces, on est venu tout plier. De toutes nos forces, on est venu vous crier. De toutes nos forces, demande celle de prier. Méfiez-vous de l'or. J'ai mon chronique pour le rap, je suis promis, c'est ma tâche, j'y suis commis, ça dit toutes mes forces. Mon histoire n'est pas unique, je suis une petite parmi des milliers. Mon son te donne la force de toutes les miennes, je dois tout plier. À quoi... C'est plus des larmes que j'ai versé mais des torrents. Grâce à Dieu, je garde la foi et toujours près de moi le Coran. On ne fuit pas son passé ni les obstacles en courant. Les blessures et les peines ne s'éteignent qu'en mourant. Seul sur mon lit, je me ressasse toutes ces années. Je me rends compte que les problèmes sont plus fidèles que les amis. Plus présents que la famille, la vie m'écorche fils. Il n'y a qu'à travers le mic que mes peines s'exorcisent. Éprisé par la vie, j'épuise. Et tant de force au fond de moi que je suis épuisé. Je parais naïve mais je suis solide frère. Les déceptions ont fait de moi une petite solitaire. Et j'ai du reste fort, toujours viser le top. Faire comme si de rien n'était car il me fait du tort. Je suis seul face à mon mal, seul face à mes doutes. Seul ici, petit, il n'y a que la plume. Même si la vie nous lance de gros défis, on essaie de vivre quand même. DJ Snatch. La franchise c'est la devise de ma clique. Pas playback ni téléphone, nous on donne sa dire. J'suis pas de celles qui couchent pour le business, j'suis de celles qui couchent pas en direct. J'suis tellement cash avec les man qui me disent. J'ai une dizaine de ces petites princesses qui se dispersent dans une petite scène juste pour des petites pertes. Sur la nuque, 1000 euros sur le cul, moi c'est pas mon petit frère. C'est grand pour grailler mon bistec. Bah ouais j'te laisse qu'il reste. Nous on marche dans la ville, on croit sur le mic, on fait les choses des petites têtes. Paris Hilton n'est pas dans mon sang, et si c'est pas un Hilton planqué dans le corps. On vit à 1000 à l'heure, donc du crédit à nos vins. T'as les chiquois, Rony, j'te stop direct. J'suis plus en louche, en T-Rex. V'là une petite en T-Rex. J'ai le vif dans la peau, l'innocence dans la pompe. Fais des ans dans la pompe, on passe en direct. Et mes larmes, en pro, user des Kleenex. J'touche mes rêves, j'ai l'impression d'y être. J'suis pas du 7-8, mais j'ai l'expression direct. J'écris avec mes belles fesses, sans ratio, non squad, pas de dress code, dans ma zone c'est hood, hood. Non squad, pas de dress code, dans ma zone c'est hood. Non squad, pas de dress code, dans ma zone c'est hood, hood. Bouche y pense à faire la monnaie, elle pense à faire bouger l'air good, good. Dans la dollar, S barré, euro livre, quand il ils disent qu'ils rappent bien, je le prends bien, c'est d'ironie. J't'ai pris au micro, oui, j'suis au niveau. Viens dans mon monde, tu me suis en ego. Sois fort amigo, la rime c'est l'effet. Va droite à Kimbo, j'te rafale, j'suis pas ta plingo. Viens dans mon sud, j'suis pas de Paris. J'suis pas ton ami, pas de mytho, j'suis pas de crari. Dangereuse pile baggy, mon vieux baddy. J'suis une tarée, me font ta paddy. J'n'attendrai pas que tu fasses la malie. Le rap c'est ma garce, j'vais la shooter sur elle. Me parle plus. Ces rimes sont à la poubelle. Ok bougie, aka play. Au mic ça sort le aka. C'est bizarre quand je rappe, bizarre quand je suis à ces rappeuses ne font que bégayer. Je rappe pas sur tous ces PD. Tout est vrai, faut te réveiller. C'est la merde depuis que mon talent s'est révélé. Révélé. Ça c'est pour mes SLR. Ça c'est pour mes you. Ça c'est pour mes ghetto braves. Ça c'est pour mes loups. Ceux qui font les bails en balle qu'on va sécher les coups. Ça c'est pour mes ghetto braves. Ça tu veux des petits siliconés dans mes clips. Oui tu connais pas de bitch. Boule de poney on est itch. Pour la monnaie les fleuristes sont abonnés. Change d'humeur comme de slip. J'suis lunatique depuis les Bee Gees. Les jours c'est les chiffres, la nuit j'suis Lil Tim. Pas de padré dans ce jeu. T'as de phrases et dangereux. Chaque négro de mon entourage est forgé dans le feu. J'vois des tas pouf du père. En gros c'est par des vieux trous pervers. Mon rap est fin, mais m'attends au compte officieux. J'finirai pas flic ou factrice. Avoue que j'fais le taf, j'suis pas une pétasse factice. J'donne les scripts à toutes ces actrices. C'est de ma vie qu'elle pense faire partie. Mais j'partise pas avec des amatrices. De pratiques sales, ça dommage au schiste. J'raque pas pareil que l'espoir résiste. Fort ton empire, j'suis noir et libre. Trop de vampires, espoir de vivre. Force de tantine et large d'esprit. Féroce comme 30 tics, pas de modestie. J'suis la queen, reste tranquille ou on te baisse ta vie. Quand j'me lève, mes élèves restent assis. Le boss me cherche, mais j'suis déjà parti. Pour que ma zig, c'est mes tranches de vie. Bouchez nos plaids, vas-y, tranche dans le vide. Ça c'est pour mes SLR, ça c'est pour mes loups. Ça c'est pour mes défébrats, ça c'est pour mes loups. Ceux qui font les bails en bas vont pas sécher les coups. Ça c'est pour mes défébrats, ça c'est pour mes loups. J'ai du gage, j'ai du coup, j'ai la gage, j'ai du coup. Tu pues la merde, ça sent de loup. Si tu fais la folle, je vais te mêler comme cop et fou. Quand tu mets les ongles, moi je mets les poings. J'ai des putains de canines de force, pédasse t'as un groin. Pédale dans le joint, mon pédale j'en prends soin. C'est parce que t'as contre nous, hein. Pédale j't'écrase sous ma loup, putain. Fermez vos bouches là, j'couche des rimes de ouf. Car j'coupe ce putain de rap et goût. S'il y a des porcs, ben j'loue. Si la maman regarde, tu veux savoir, ben j'coupe. Si les porcs regardent, tu veux savoir, ben j'loue. Rafale de peintre, sa face est bien rouge. Rafale ton sein, t'as ch'tec et ton boule. Fais pas la ouais, hey, c'est ta croix, voilà la foule. J'arrive dans les basses, mamie, j'couche des rimes de ouf. J'suis dans la solo comme ville de boule. Des foyers en solo, personne me couvre. Des montagnes de Jojo sur toutes les coupes. Que le boss fait double. Faut péter la match que le boss fait double. Faut péter la match que le boss fait double. Ça c'est pour mes SLR. Ça c'est pour mes loups. Ça c'est pour mes défébrats. Ça c'est pour mes loups. Ceux qui font les bails en bas vont pas sécher les coups. Ça c'est pour mes défébrats. Ça c'est pour mes loups. J'ai du gage, j'ai du gage, j'ai du gage. This is Brett Toulouse. J'ai le flow qui est chromé, ok, j'suis la go qui promet. C'est le royaume de la tyrannie. Dis-le à tes pires amis. Bush is back, un œil sur la pyramide. Pyramide, roi de jungle, j'vais les gifler. Hardcore, mais tous arnifles. Les clavitres sortent de siffler. J'lâche que des tueries de snippets. Fuck des boys bender. J'rappe des boys bender. J'suis repimpé comme un fer gratis. Sors de South Penter. Crochet à la Hollywood. La mienne vient de Bolivie. Penter, je les horrifie. J'te laisse à poil comme une jolie fille. Toujours Black Panther. Guapa Bang Banga. Guapa Bang Banga. Viens dans mon monde. Tu peux m'appeler Bushy ou tu peux m'appeler Ariès. Arrêt de carrière. Faut que la race arienne. C'est le son, t'as les vœux cassés. Le son, t'as les hyènes. Négroïde dans les gènes. Arraché mais je porte mes chaînes. T'es que fuck you, fuck you. Tes sourires dans ton huc avec tes faux coups. Faux coups. L'eau ces derniers temps j'ai compris beaucoup. J'suis venu les choquer hoche comme quand un triseau rap. Tout le temps, y'a mes triseaux rap. DJ suis brute de femme pour rapper, pour sortir des phases sales, pour venir vous tarder. Donc appelle mon rap, Grimaki, lâche la grosse crème. Hein. Oui, appelle mon rap, Grimaki, lâche la grosse crème. Hein. Vas-y, check mon safe-side. Pégotec, ego trip, bouchy dans les basses. Ah, grave pour les dénigres. Ah, putain, grosse basse, grosse caisse et grosse face. Soit tu marches avec mon slam, soit tu prends un gros pas. Dans les cages du déni, pour mes petites mégales, celles qui gazent mes dénis. Toujours en place, trop de bras, qui manient comme Ronnie. Marrakech, Galsen, Panama, Mali. Celles qui font des valeurs inestimées, qui pilotent leur destinée. Que des numéros 23. Prêt à décrocher les crochets si tu veux plomber leur projet. Rien qu'elles se battent, rien qu'elles savent. Tu veux les stop, tu peux t'accrocher. Elles ont les talents aiguisés, des boules en bonbon Marcel. Les WhatsApp, ma sœur, foutent les belles, n'ont pas le sème. DJ fait plus qu'elles sèpent quand elles arrivent dans le club. Respect, confond pas. Elle est tactique de brosselette. Mes oulettes sont full, sur Skyblog ou Hi-Fi. Elle se respecte et yes, c'est fou, mais rarement dans les bails. Toujours fraîche, toujours clean, yes, c'est ça les gars. Casse le dos, c'est du rap, du rock, du rag, à rail ou grâce. Elle chic, elle cross, mais des gifs des coups de tête. Elle chic, elle cross, mais des gifs des coups de tête. Elle chic, elle cross, mais des gifs des coups de tête. Ne marche jamais sans ses fétiches et sans cortège. Elle jure sur le courant de la mec. Elle chante sous la douche et dit voilà, sur la vie de ma mère. Fatou, Ami, Aïda ou Pintou, Razou, Zakar, Loucha, Chna ou bien partout. Elle gère leur jazz, le domaine elle le protège. Elle gère ton tête. Tu connais pas moi, regarde-moi. Dans le pays des blancs, j'fais tâche moi. Les tests ADN, c'est pour les gens comme moi. Tu me connais pas moi, j'rappe comme un homme moi. J'tire pas les cheveux, j'me bats comme un homme moi. J'm'en fous ton mec moi, qu'il soit mannequin ou blindé. J'suis nadé, mon père attendait un garçon manqué. Représente les ghetto girls qui restent petites sages. Ramayad avec un mic sous la casquette en tissage. Pour les titas, loin des crassages, un dépistage. L'expérience comme le mariage, n'attends plus l'âge, j'ai la rage moi. Donc assiste, Alex, ils ont classique, la circoncision tu bites. J'débite, cohabite avec la haise, c'est scotché. Bouché in the house, sélectionné, coaché par haise. Ni l'arrivée d'un ovni, son est béni, mais flow est béni. Bonjour la grosse baffe, bougie dans les basses, j'arrive si c'est Wishtart. Toujours le flow et le style qui est trop se battre. MC trop baffe, plus qu'au style tu le constates. J'porte la victoire sur le dos comme Hurricane, j'me douche pas. Si la défaite est ta poids, t'inquiète, j'la touche pas. Tellement de fois t'es froid que j'comprends que tu louches gars. Le flow vient du South, c'est elle la petite et louche gars. Pas le dire à Ramel que j'vise la lune, j'la loupe pas. Ça c'est pour mes rames, mes youves, mes loups, mes couches tard. Mon rap est trop vénère, toi t'as trop l'énergie. J't'explique plus cette fille, je rien, j't'explique plus pénètre. Et comme contact, c'est toujours pour du sérieux. Bouché face, t'en fais des sauts, pour toi c'est périlleux. Leur bec dégonfle devant ma clique, ils n'ont rien de dangerous. Ils font les matchs, ils jouent les pins, ils savent qu'ils tirent du sérieux. Ils braillent les jades, ils parlent les barbes, on prête, ils veulent tous warriors. On a le flow, on grave le mic, aha, des barres, demande à Huss. Écoute, cousin, il le, faut j'te presse, il le. Si tu te respectes, tu seras peut-être ma copine, il le. Chérie, tu veux me serrer, fais leur laine, ce soit serré. Pas le temps de faire du sale, de faire du grade, de s'opérer. Les grands frères prennent les armes, tu sais bien que c'est sérieux. Une famille repart en larmes, mélodrame, qu'on est prévenu. Mariage forcé, la famille toujours au milieu. Les tantines du bled, point être fois, tu sais que c'est sérieux. Sérieux, flow et braguette, trop magique, que cette ma vie, du que. Si tu verras que la dalle y est alien, malienne, passe le mic, le malimène. T'es une époque de la dalle au mic. Je représente les refs au raid, ma pousse pas, vas-y dans le mic. Tu sais bien que le rap est raid, moi. Laissez faire tes bougies, bande de poussies. J'ai pas de temps à perdre pour la broutille. J'suis le futur, c'est des fossiles. J'ai dit bou, bou, bouger, c'est bou, bou, bouchi. J'ai le micro en main, les faux MC, cou, couché. Tu veux du hardcore, Southside, bronze bar. Une petite dans les bras qui met des grosses barres, gros j'lave. Mon rap est trop carré, trop de rage, trop de drame. J'ai le virus du rap, monsieur Gatefou et le programme. Kick ça, on kick ça, on fix ça, where. Tu kicks ça, addict ça, t'es crocs ça, where. Donc fais tourner le buzz comme une théma sous une tasse sale. Mali c'est légal, c'est illégal et ça légal. Femme, fais au maf et au tchè, prends-moi, j'suis pas trop caline. J'lâche des douilles et les youths sans que c'est du gros caline. J'suis trop speed, remballe tes caches dans ta cocaïne. Trop de face, trop de thème, à chaque fois le flow varie. Arrache toi en cou, arrête c'est sale, trop de sauvagerie. Drive, mic, les roues, la vie, on rap, y'a en chromatine. On croit parfois au popstar, au rockstar, commercial, on colle ça, on donne ça, normal. Tu t'attendais pas à ça. Et tu t'attendais pas à ce choix, à ce level. La force de fait du chemin pour en arriver là. J'ai perturbé le game comme c'est fou, tu vous vous êtes là. Je représente mon patrimoine génétique comme les coups des gars. Je regarde que les bons moments, les mères partent à la poubelle. Tu t'attendais pas à ça, je rate depuis le bac à ça. Galvé comme un maracas, mentalité faracale. Ils auraient voulu me voir perdre pour mais dans la masse. Mais j'ai l'ambition d'une reine perchée comme Himalaya. Seule dans ce men's world, femme fort bêtis chabasse. Je veux faire de moi une référence, ton pack là il bouge à bas. Y'a ce match radical, tu peux m'appeler radical. Ça c'est pour les gars qui captent pas, pour les bâtiments. Elle t'a donné le sein, et si je te parle c'est que j'ai mes raisons. C'est battu pour les siens, t'as élevé avec soin. Et ce, pour que ta vie soit meilleure que la sienne. Être un père, être une mère, une affaire de femme. Vivre libre, rester fière, une affaire de femme. C'est une affaire qui date d'avant les arrière-grand-mères. Celle qui lutte et celle qui se tape, sache qu'il faut du grand-mère. Regarde cette sœur précoce, enfant à sa charge. Mature depuis très gosse, faisant preuve de courage. Celle qu'on a mis jugée, blasée, abusée. Victime du poids des pressions et des préjugés. Oui, naître femme, c'est fonder une famille. C'est se méfier de ses amis, présente en tant que famine. Les talons aiguisés pour se faire une place, ça va sortir les cales. Ça c'est pour les sisters, pour celles qui ont mal. Ça c'est pour les sisters, combattant et loyal. Celles qui ont mal, celles qui se battent. Pour les grandes jeunes, c'est une affaire. DJ Snatch. Ouais, y'a un gars, il m'a fait passer une instruction sur internet. Je vais passer le côté, on va voir si tu peux cliquer dessus. Je crois que je suis capable. Je sais pas, on va voir, c'est de voir. Vas-y. Dis-moi ce que t'en penses. Envoie-moi ça. Oui, t'es oui. Ok. T'es capable, ça. Ouais. Écoute ça. Ça filme, là? Ouais, ça filme. Tu sais bien que je te nique ça. Race et puis je te pique ça. Plata señorita, donc derrière t'as du chipolata. Je te voudrais même pas comme batata. La ta ta ta ta ta bougie shiny, c'est gay gata. Flow android comme data. Y'a des youths, des youths, des rasta. Sur du jardin, on se rapta. Soulever la coupe, tu apta. Le faire négro, moi je dirais recta. Je fais que des classiques, des analecta. Tu fais de la merde, de l'anal rectal. Ce game de complicat, t'y a que blaja et duplicata. Je suis chou, je suis skinny, guette mon morpho. Tu veux me faire overland, bitch, est-ce que j'ai l'air d'une info? Je vais donner une info. Pas en France ou éto, mais coincé là sous les taux. De faire un tour sous mes tours. Contre ceux qui m'entourent. Si y'a les filles, je te dis cours. Dans le sac, y'a plus d'entour. Ok, plein mon père pour plein con. J'suis pas dans mon con. J'vais pas baisser d'un ton. Non, j'vais pas donner un nom. Plein mon père pour plein con. J'suis pas dans mon con. J'vais pas baisser d'un ton. Non, j'vais pas donner un nom. J'suis sur vos créneaux. Feeling, j'rap. Tout est négro, limite naze. Le temps c'est long. Ma clique, t'es mon. J'suis dans un pilon. Dirigeable. J'ai dit pilon. J'plante dans les airs. Gros, t'es bilan. J'suis grave sincère. Demande-nous comment faire. Sauf si t'as peur de venir faire un tour en enfer. Lumière éteinte, mais je satis. Ils m'enferment des portes, j'ai kill des MC. J'ai caché les corps dans une extime ou une extime. Qu'on reste-t-il? J'passe en cabine, c'est ma post-clop. J'lâche des rimes, c'est de la post-prod. J'vois que les idées que c'est port-prone. J'suis dans ce film, j'vois mon propre rôle. Oui, j'suis dans ce film, j'vois mon propre rôle. T'es outson, toujours aux abonnés absents. T'es tout flou dans les tirages quand j'suis outson. Fais d'enfant et t'es outré. J'récidive, classe tout près du précipice. Mes couplets sont véridiques, t'es very pussy fuck, hein. Mauvaise espèce, on les baisse. Ils veulent test, on leur laisse que les restes. Irréversible, je peux pas retourner ma veste. Amenez-moi le king que je puisse couper sa tête. Quoi qu'il se passe, on reste frais, ils sont pas pour le buzz. Tout est question de respect, ils sont pas pour le buzz. J'ai ma place, j'y resterai, j'ai la frère et sœur. J'ai ma place, j'y resterai, j'ai la frère et sœur. Ma vie, à travers mes cris et mes larmes. J'écris mes rêves et mes peines à l'encre de mes larmes. Sur la roue du succès, je vois bien que le mal perdure. Si mes mots t'ont touché, c'était que des balles perdues. Car je ne vise que le respect des grands et des gens que j'aime. J'écris des couplets et des chants, sont par centaines. Chaque thème est une opération à cœur ouvert. J'ai le poing levé pour les sœurs, pour elles, je garde la gueule ouverte. Quel que soit leur tort ou la virginité de leur casier, je remplis leur cœur quand j'écris ces rimes sur mon cahier. J'écris ma rage sur ces pages à l'aide d'une plume à silex. Mon rap te parle si t'es barge, que ta vie est si laide. Choisis l'écrit au lieu du crime car je n'ai que 26 lettres. Ma vie, mes doutes forgent ma force, seule ma plume est fidèle. Dieu que ce monde me déroute, les hommes sont vides et me dégoûtent. Quand le chant des chorales remplacé par celui des bandes de Pérou. Je vais recaler de la boîte. Tu te retrouves sur le parking en train de faire un freestyle. Tout le bail inattend, on roule, on graille ça. À 2h de la Johnson, de Yoré ou de Barça. Histoire de décompresser certains rails, ils partent là. Demande à Monica, mes jolis godis rament ça. Oui, je les représente, mes baboudiennes, mes rails ça. Même celles qui préparent pas te font du tchè Paris ça. Oh la honte, tchè Paris ça. Sur ce, on est de sortie, talonné, bouche glossée. Sur un son de bougie, équipé, vous trossez. Machala ton régime, sur ce t'es ambiancé. Ma soeur, faut qu'on prochine, t'as sorti le sensé. Oh là! Tchinga, tchinga, ling, ling, ling. Tchinga, tchinga, ling, ling, ling. Tchinga, tchinga, ling, ling, ling. Tchinga, tchinga, ling, ling, ling. Tchinga, tchinga, ling, ling, ling. Tchinga, tchinga, ling. Le videur t'a mis un stop, genre c'est un palace. 3, 2, 1, sors pas la calache. Raté pour la bouteille, c'est la chicha que l'on partage. On fait le tour de la nuit, moi et mes go, on s'arrache. C'est pas la fin du mois, mais bon t'as zéro sur la carte. C'est la crise, c'est la S, envie de tisse de Naes. T'éloigner de la tête, on soucie de l'eau, vite t'agresse, mais arriba, arriba. Besoin de se vider la tête, cette vie est loca. Pas besoin de stiff ici, on kiffe la locale. Montre à tes potos que t'es quelqu'un de sortable. Pense à faire la fête, oublie un peu ton portable. S'il y a pas la boue, on boule, ça monte en octave. Te prends pas la tête, Berlin, je réclame une octave. Oui, on fait la fête, t'as pas besoin de péter un câble. Chinga linga ling, ce soir on sort, c'est rapta. Chinga chinga ling ling ling. Chinga chinga ling. Merci Snatch, Bouchy, on t'oubliera pas. Passez une bonne nuit sur Skyrock 2h01.